Question 33. Dans cette situation, il est préférable de franchir la ligne continue. Réponse A. D'éviter de franchir l'axe médian. Réponse B. De laisser 1 mètre d'espace. Réponse C. De laisser 1,50 m d'espace. Réponse D.